Salut Charline. Are you ready? On est au taquet ce matin. Because our guest today is British. Qu'est-ce qu'elle dit là? Que l'invité est anglais. Yes. Waouh, tu parles anglais. Moi, je comprends un petit peu. Si je comprends l'anglais, ben je parle anglais. Do you have some topics? Pourquoi elle parle de tropique? Bah non, ça veut dire sujet. Ah oui, bon, je sais. Alors, vous savez quoi? On va pas faire toute la conf de Ré, d'accord? Yes, my dear, yes. Mais varum? Because it's a good way to imagine how an Englishman is thinking, no? Et elle dit quoi là? Elle dit que les Anglais sont des tortues. Non. Come on, let's have a look at the topics. Ok, yes. Alors, so, this morning, I already read The World and the Team. Qu'il a lu Le Monde et l'équipe. Yes, I did. Anything interesting? Very interesting about the sex tape of Valbuena. Ah, ça j'ai compris. Ah, bah tu vois, tu parles un peu anglais. Valbuena's sex tape is a very good topic, Alex. Yes, yes, we take it. Je suis très, very connaisseur. Oui, sujet 1. Yes. Ensuite... For the second topic, I read The Opinion this morning. Allez, moi je vais y aller. And I saw an article about the socialiste. It was telling us that the frondeur will disappear and the légitimiste will take place around Manuel Valls, you know? What? Non, mais même moi je lâche. So we need a last topic and... Oh, where are you, my friends? Les amis? Hein? The topic 3? Fucking bastards. Fucking French people et fucking sujet 3. Merde. Bullshit. Good afternoon, The France Inter. Bonjour à tous. It's tea time, c'est l'heure du thé. Il est 17h. Vous écoutez l'émission qui va chercher l'actualité avec les dents. Et voici les trois informations dans lesquelles on va mordre jusqu'à 18h. Qui sait où sont passés les frondeurs? Ils ont disparu au profit d'une nouvelle tendance au PS, les députés dits du Marais, c'est-à-dire des légitimistes qui cherchent davantage à convaincre Manuel Valls qu'à l'affronter. Quand même un bel endroit, le Marais. Qu'est-ce que c'est? Une tanche. Il y en a plein dans les temps. Un fascicule est à disposition de tous les fonctionnaires pour leur suggérer des formules adéquates afin de ne pas discriminer les femmes. Alors, ne dites pas « salut connasse », mais... Ah, ma tendre mie, ta peau est douce comme pétale de rose, ma jolie Béatrice. Après le coup de boule, après Zaya, après la grève et le bus, voici l'épisode de la sextape. Année après année, les bleus semblent cultiver l'art de l'âge commun. L'autre jour, j'ai rematé ma sextape. Comment c'était chiant. Je suis sûr, ça aurait été avec Sandrine Bonner, j'aurais eu un César. Voilà, et comme au foot, je suis accompagnée d'une équipe de blagueurs et le chef des pieds nickelés s'appelle Alex Vizorek. Mais bonjour, Charline Donnacker. Est-ce qu'aujourd'hui, au nom de toute l'équipe, je peux vous féliciter pour la sortie de votre livre Bonjour la France, qui regroupe vos chroniques et vous serez à Brive avec Isabelle Sorrent pour le signer ce week-end. C'est quand, dimanche, samedi? Samedi et dimanche. Voilà, samedi et dimanche, ça vous donne le choix. Allez vous voir à Brive. Je vous présente donc l'équipe à 17h20, le Fangio de la chronique, car il démarre extrêmement fort, puis il gère la course. Ce qui, pour le pilote argentin, sont des crissements de pneus. Pour le kamikaze des ondes, c'est le jingle. C'est Thomas VDB. Tout à fait. Comment va-t-il? Ça va très très bien. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler évidemment d'un thème bien particulier, puisqu'il s'agit de musique et État islamique. Voilà, donc deux thèmes en un. Ça donne envie. À 17h30, lui, il a quelque chose de très français. Il aime le débat, mais il a aussi quelque chose d'extrêmement français. Il aime avoir raison dans le débat. Bref, il est made in France. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis rendu ce matin au salon Made in France et j'ai rencontré entre autres les soi-disant derniers fabricants de chemises entièrement françaises. Il n'y a plus de fabrication de chemises en France. Ah bon, bah alors moi j'en ai vu d'autres, des chemises, alors ils mentent. Oui, mais il y en a très peu. Oui, voilà, c'est les seuls, excepté les autres, bien évidemment. Et à 17h40, très souvent avec les femmes, je les regarde, je les laisse parler, je fais semblant de les comprendre, mais je ne les écoute pas. Avec elles, c'est très différent. Je la regarde, je la laisse parler, j'écoute avec attention, mais je ne comprends pas. C'est Isabelle Sorrente, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Dans quoi allez-vous me perdre aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de sextape, et d'espace client. Alors, peut-être une chance de me tenir. Et à 17h55, celui qui derrière sa guitare et son micro est un sacré enfoiré, sans même que Jean-Jacques Goldman lui ait demandé de faire partie de la troupe. C'est Frédéric Fromet, il viendra nous chanter quelque chose. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside de cette émission est né sous Elisabeth II. Ah oui, il est vivant quand même, il est né sous Elisabeth II, mais tout va bien. Vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans Mississippi One de Sarah Moon en 91. Petit chef d'œuvre. Quand David Guetta fait sa première apparition à la télévision dans La Classe de Fabrice sur FR3. Oh là là. C'est pointu. Ça c'est pas vrai. Mais continuez, on va rien dire. La Classe, vous devenez... je regardais souvent. d'ailleurs. Ah oui, avec moi aussi. Fabrice. Ouais, tout à fait. Oui, c'était assez marrant. Ouais, il y avait, c'était pas mal. Il y avait tous les. J'ai fait un casting une fois avec. Je crois que j'ai fait un casting, mais je ne l'ai pas pris. Vous devenez chroniqueur dans Union Libre de Christine Bravo en 98. C'est l'année du débat sur le PAC. Ouais. C'est la France découvre alors le duel Boutin-Bachelot. Vous co-animez l'émission On n'est pas que des cobayes sur France 5 à partir de 2011. C'est l'année où un programme informatique remporte le jeu Jeopardy contre deux champions bien humains, eux. Et vous allez nous dire. T'as sauté 20 ans, là. T'as sauté 20 ans. Oui, il s'est passé plein de trucs. Bon, on peut en parler si vous voulez. Parce que vous êtes, je vous laisse nous le dire. Who are you? Silence radio. Quel suspense. Comment est-ce qu'on peut savoir? Ah, il faut que je le dise. Oui, dites. C'est okay. Obligé. David Lowe. Oh, David Lowe. C'est vraiment lui, alors. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. David Lowe, en effet, on a sauté pas mal de trucs parce que vous faites des milliards de choses. Vous avez notamment tourné pour Woody Allen, on peut voir dans Midnight in Paris. Oui. Et sur France 5, vous apprenez à skier sur l'herbe. Donc c'est assez. Vous avez un panel assez large. C'est cohérent, je trouve. Ouais. Vous êtes également le roi du clafoutis. Enfin, c'est... Qui a dit ça? J'ai vu ça dans le dossier de presse. Alors, on n'est pas que des cobayes présentés par Agathe Le Caron sur France 5. Oui. C'est par exemple ce soir à 20h40, la prochaine émission. On oui, peut France vous 5. Voir. 20h40. Et vous êtes le scientifique de l'équipe parce qu'il y a un aventurier, un crash tester, un scientifique. Non mais quand j'ai un doctorat en physique nucléaire en effet. Bah tu l'as dit parce que non, j'écoutais non, pas très bien. Doctorat en physique nucléaire et biologie moléculaire. Un des rares personnes à la télévision de ce qui sait de quoi il parle. C'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes beaucoup trop intelligent et pointu et scientifique pour faire de la télévision. Mais très humain. Ouais, oui, très humain et très humble en même temps. Et c'est le côté humain de la télévision qui vous a plu. Je suis parti d'une en libre d'ailleurs, de ce côté très humain de la télévision. Je crois qu'on avait une dispute avec le dealer de France Télévisions. Il n'y en a plus, non? C'est plus l'époque de. Ils n'ont plus les moyens. Non, ils n'ont plus les moyens. Vous passez des coups de fil à Nico Saliagas de temps en temps? Non. Non, lui, il écoutait Patrick Fiori dans les loges pour son propre plaisir. Pour qui Patrick Fiori, c'est lié au plaisir. On comprend que dans cette émission, on n'est pas que des cobayes. Il y a vos deux passions, c'est-à-dire vous faites le saltimbanque, vous le faites formidablement bien, et il y a le côté scientifique aussi. Tout est fait avec humour, bien sûr. Vous dites, par exemple, quand vous apprenez à faire skier sur herbe, vous dites parce que le réchauffement climatique, il faut bien apprendre à skier sur quelque chose. Donc vous proposez de skier sur l'herbe, ou alors par exemple vous mesurez une heure sans montre avec de l'eau, etc. Oui. Donc c'est vraiment vos deux passions qui sont réunies. On peut rire avec la science. Tu as pris les deux exemples les plus ridicules. Oui. J'ai l'air de quoi maintenant exprès. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple ridicule? Comment faire une maison en guimauve? Oui, non, on a fait une maison en pain, mais oui, non, mais c'est toujours intéressant parce qu'on est ce matin, j'étais dans la fosse aux alligators, par exemple. Ah, qu'avez-vous fait? Beaucoup plus sérieux. Non, déjà. mais c'était plus agréable d'être ici maintenant avec tout le monde qui me regarde. Il n'y avait que 3 alligators. Et c'était pour chercher des noix de coco, pour faire une expérience sur les noix de coco. Oui, c'est logique, tout ça. Oui. Tout se tient, en fait. Et où est-ce qu'à Paris, où est-ce qu'on trouve à Paris une fosse avec des alligators? Non, mais c'est juste, j'étais à Val-de-Reuil. À Val-de-Reuil, oui, effectivement. Oui. C'est bien connu, la fosse alligator de Val-de-Reuil. Mais David Lowe, quel est le rapport entre les alligators? Vous pouvez mettre l'eau à la bouche, on pourra le voir ce soir. Non, on pourra le voir bientôt. Parfois, il y a un petit fixation quand même pour le mettre en. Mais vous avez l'air mal à l'aise, vous êtes fait mordre par un alligator ce matin? Il faut que je tourne le casque, parce que j'ai le casque dans ce sens. Oui, allez-y. Oui. Okay, oui. De toute c'est visuel, hein, mais chez vous, imaginez-vous. Oui, ça c'est mieux. Oui, donc ça c'est bon. Okay. C'est déroutant quand même. Donc c'est l'exemple sérieux de ce que vous faites. Vous trouvez ça plus sérieux, le coup des alligators, qu'apprendre à skier sur herbe? J'ai appris quelque chose sur les alligators. Ils ont le nez assez sensible. Donc si jamais tu es attaqué par un alligator, il faut juste lui taper dans le nez. Le temps de lui taper dans le nez. Ça, c'est un geste de survie, c'est service public, ça. Oui, dans le Karma Sutra aussi, j'ai vu que... Non, si on est attaqué par un lion, c'est un lion, un tigre. Ah, mais c'est ça, Bertrand Cantat, il a cru un alligator, et paf, dans le nez. Non. C'est pas la même culture. C'est le blanc après qui est un peu dur à assumer. Hein, mais je remercie de l'avoir tout cédé. Oui, Black Desire. Je vais demander l'avis d'un humoriste spécialiste, Alex Vizorek. Vous avez regardé un peu les émissions de David Lowe. Et, voilà, il y a plein d'humour dans la science. C'est comme si les Monty Pythons avaient mangé C'est pas sorcier. On peut dire comme ça, parce que vous êtes un peu à expliquer des choses comme dans l'émission C'est pas sorcier. Oui, et moi qui n'ai jamais regardé C'est pas sorcier, je l'ai mangé sans savoir ce que c'est, et puis je l'ai commencé à digérer. C'est ça. Il y avait des éructations partout, les orifices. Et puis, il y a ce qui suit. Mais ce qui est scientifique, hein, c'est Mais c'est, ils étaient scientifiques, mais c'est bien sensé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que maintenant, on comprend mieux ce que vous faites dans cette émission. Ouais. Et on comprend mieux l'émission elle-même. Mais heureusement, vous pouvez la voir tous les vendredis à 20h40. On n'est pas que des cobayes, présentés par Agathe Le Caron, avec David Lowe qui nous fait présenté, le plaisir. Non, présenté, pas c'est un peu le scientifique fou. Tu sais, oui, je suis c'est représenté. On va vous expliquer l'émission pendant le professeur Tournesol britannique. Enfin, on ne sait pas très bien qui il est en fait. Mais en tout cas, c'est David Lowe. Et on va parler actualité avec lui. C'est la fin de la première partie là ? Oui, c'est ça. Pour aller pisser, c'est bon. Ok. I walk 47 miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mine, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, used a rattlesnake whip. Take it easy, Arlene, don't give me no lip. Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? We love David Lowe sur France Inter. C'est Bo Diddley dans vos oreilles. Comment vous dites l'émission qui présente David Lowe ? David Lowe. On n'est pas que des cobayes sur France 5. C'est parce qu'en Belgique, on dit Kobe. Voilà. Oui. Comment vous dites en anglais ? Guinea pigs. We're not just guinea pigs. Yeah. Ça perd du sens en anglais. Yeah. Bon, eh ben moi, je vais vous dire les cobayes qui sont autour de la table. Eh bien, il y a Thomas VDB, il y a Guillaume Meurice et il y a Isabelle Sorante qui va nous parler sextape de tout à l'heure. Je transpire. Oui, c'est alors, pas ce qu'on peut donner. Transpirez pas trop, gardez un peu de salive pour le journal. Oui. C'est tout de suite parce qu'il est 17h20 et c'est le journal de presque. Voilà, c'est ça. Oui. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Près de Pau, un éleveur dresse son chien avec des noms d'hommes politiques. Le chien effectue des mouvements quand on lui dit Sarko, Hollande ou Le Pen. En revanche, quand on lui dit placé, il ne sait pas où aller. Un petit peu comme Jean-Vincent lui-même, d'ailleurs. On parlera aussi de violence en Russie, de bêtises aux États-Unis et de sexe en Suède. Bref, que des spécialités dans leur domaine. Et des brèves, parce que le vendredi, il faut aller vite. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par un reportage qui nous vient du site internet de La République des Pyrénées. Oui, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, un chien dressé pour réagir au nom des hommes politiques. Effectivement, Jean-Baptiste Ferrand, éleveur de moutons, dresse son chien Igloo de manière assez particulière. Écoutez. Alors donc, Igloo est dressé, il a 2 ans, il est en plein dressage. Alors, pour faire simple, pour tourner à droite, c'est Sarko. Pour tourner à gauche, c'est Hollande. Après, pour aller au milieu, c'est-à-dire pousser droit devant, c'est Bayrou. Alors, il fait du Bayrou, c'est-à-dire qu'il fait pas vraiment il va pas tout droit, il fait un peu gauche, un peu droite, il fait du Bayrou, quoi. Il se place là où le vent l'amène. Le chien est filou. Alors de temps en temps, il essaye de piéger son chien, il lui dit Macron. Alors, le chien ne sait pas où aller. Ah oui, mais il en connaît d'autres. Bien sûr qu'il en connaît d'autres. Il connaît pas moins de 8 ordres différents. Attention, écoutez ceci. Pour s'arrêter, c'est Hein Le Pen. Bye. Du flot, c'est pour amener le troupeau vers moi, c'est pour ramener un peu plus de verdure. On fait du fromage bio à l'herbe, donc du coup, c'était plutôt la tendance du flow. Il est un peu spécial, mais tout est cohérent. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. DSK pour sauter, alors ça marche avec la voiture, le quad, ça marche dans un sens, dans l'autre, ça marche très très bien, il a très vite assimilé DSK. Il peut sauter dans un sens, dans l'autre. Quand on lui dit DSK, ça marche très bien. Merci, vous êtes belle trouvaille. Mais de rien, c'est cadeau. Passons à l'Angleterre. Oui, ça va vous toucher, David Lowe. Okay. Les effets personnels de Margaret Thatcher cherchent preneur. Oui. Eh oui, c'est Christie's qui l'annonce. Quelques 350 objets personnels de l'ancienne Prime Minister britannique, Margaret Thatcher, seront mis en vente aux enchères au mois de décembre. Oui, les sex tapes avec Gorbachev. En tout cas, pour ces robes, je trouve ça bête de faire ça juste après Halloween. Ah, Russie à présent. Oui, avec cette nouvelle trouvaille, des salles de rage où on peut tout casser. Oui, le concept de base est simple. Voilà. Vous payez pour pénétrer dans un espace qui ressemble à un intérieur où vous pouvez, en toute sécurité, tout bousiller sur votre passage, des meubles au plat en passant par la télé, le tout à l'aide de marteaux et de haches. Voilà, un concept qui avait déjà été inventé par Valérie Trierweiler et ça ne s'appelait pas salle de rage, ça s'appelait l'Elysée. Autriche, pour ne rien laisser à ses héritiers, elle détruit 1 million d'euros. Exactement, des billets, des coupures de 100 et 500 euros ont été découverts déchirés sur son lit dans la maison d'une retraitée. Il y en avait pour 950 000 euros. Jean-Marie Le Pen a envoyé tout son soutien, il comprend très bien qu'on ait envie de bousiller l'héritage. C'est pas faux. États-Unis, il avait un ver solitaire dans le cerveau. Effectivement, un étudiant de Sacramento avait un ténia, mais du cerveau. Il y aurait 1000 cas par an. Voilà, et Nadine Morano. Non, non, ça va, ça va. On la voit tellement arriver, cette vanne, excusez-moi. Mais je voulais faire une blague avec le cerveau vers solitaire qu'on est dedans. C'est bien ça que je pensais, ouais. On la voyait tellement venir que... Science à présent. Ouais. Des chimpanzés ont été transférés d'un zoo allemand au zoo d'Édimbourg. Et d'après les scientifiques, ils auraient développé l'accent écossais. Non, on est certain que c'est l'accent écossais. Parce que peut-être qu'ils faisaient juste une crise d'épilepsie. Hein. Peut-être. Bon, on passe à la Suède. Oui, le porno existe pour les non-voyants en Suède. Pour permettre aux personnes souffrant de déficience visuelle de se stimuler sexuellement, une artiste suédoise a publié un livre pornographique incluant du texte et des illustrations en braille. Voilà, le problème c'est qu'ils devront apprendre à lire de la main gauche. France avec ce fait divers amusant. Quimper, elle porte plainte contre le père de ses enfants qui les oblige à manger des légumes. Oui, c'est la mère des enfants a porté plainte. Oui, c'est ça. En tout cas, si le père prend une prune pour ça, c'est vraiment con. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Il avait pas travaillé celui-là. On termine par la télévision belge. Oui, le journal belge L'Avenir révèle que pour assister à l'enregistrement de l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, il faut s'habiller sexy. Bah oui, étonnamment, c'est sur le site de l'agence VIP, chargée de recruter le public de l'émission. Il est précisé, et c'est le cas pour aucune des autres émissions, tenue de ville ou de bureau exigée pour les hommes, eau sexy et colorée pour les filles. Vous voyez, Charline, quand vous dites qu'il a que des mauvaises idées, Hanouna, bah non. Merci d'être très bonne. Merci Alex Vizorek. On vous accompagne jusqu'à 18h avec David Lowe. Et on va aborder avec vous le premier sujet d'actualité. T'as fait un séjour linguistique aux États-Unis? Non, pourquoi? Son accent est bon. Non, hein. Parce que oui, c'est très bon. Ah, ouais, je trouve un séjour linguistique quelque part ou... Non. On ne sait pas quand va arriver le pot. Parce que les fleurs c'est sont ça. Arrivées, mais le pot arrive. First topic, with David Lowe, au sein du PS, Parti Socialiste, le climat semble plus calme parce que l'heure est aux légitimistes, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est beau, des députés qui ne frondent pas contre le gouvernement, mais qui l'alertent poliment quand ils ne sont pas d'accord, et ils obtiennent parfois gain de cause, comme pour la hausse jugée injuste des impôts des petites retraites. Alors quant aux frondeurs, les frondeurs, écoutez, ils ont disparu, mais vraiment disparu. On pourrait rajouter que ça, c'est une vision ultime de l'extinction, c'est-à-dire que c'est vraiment la disparition du dernier individu. C'est vraiment la disparition dramatique d'une espèce. C'est quelque chose de complètement terrible. C'est vraiment la disparition à jamais d'une espèce. Extrait d'un documentaire du CNRS qui nous apprend la disparition des frondeurs. Ils ont effectivement disparu des radars ces derniers temps. Ils s'indignaient donc du virage libéral qui a pris le gouvernement. C'est tenant vraiment du socialisme à la française, vous, David Lowe. Non, mais désenterrer ce mot frondeur que vous avez récupéré d'il y a 300 ans. Non pour décrire quelqu'un qui est un peu emmerdeur, en effet. Mm-hmm. Je trouve ça c'est très français, de rendre ça classique, très cartésien. Oui, alors ça va vous plaire de savoir que ces députés légitimistes, donc qui alertent plus le gouvernement de manière plus polie et moins médiatique aussi, et moins frondeuse, donc on les appelle les députés du Marais. Mm-hmm. Et ça va vous plaire, David Lowe, parce que les députés du Marais, Isabelle Sorrent, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est un héritage de la Révolution aussi. Absolument, Le groupe le plus modéré, mais le plus nombreux de la Convention nationale, donc l'Assemblée constituante. Rien n'a changé depuis la Révolution dans ce pays, qu'est-ce qui se passe, David Lowe? Comment vous voyez ça, vous? On est tous devenus devenus aristocrates, en effet, la révolution. On n'a pas enlevé les aristocrates, on est tous devenus aristocrates. Et on veut être traités comme... Je dis « on », mais en effet, je ne suis pas français. Oui, mais vous vous sentez tellement intégré que vous vous sentez français quand même. C'est pareil pour les Belges, non ? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Est-ce que ça fait combien d'années que vous êtes en séjour linguistique en France ? Ma mère m'attend. J'ai la dernière année à l'école à faire. Est-ce qu'on vit en France en ce moment ? Ça vous fait penser au tournant qu'avaient pris les travaillistes avec Tony Blair il y a beaucoup plus longtemps ? Ah non, pas du tout. Non, j'ai un médecin qui me disait l'autre jour, il avait visité en Grèce quand il est parti en Grèce pour être très socialiste avec les François socialistes Hollande. Là-bas. Oui, et sur l'aéroport, il y avait trois énormes falcons. Avec tout le gouvernement. Il était parti en ménage à trois, non? Avec Belkacem et, comment il s'appelle? Natacha Perry. Non, bah, il va dans un pays en crise, il a peut-être peur de ne pas savoir revenir, je sais pas. Nous, on est parti avec le ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Voilà. Oui. Oui, c'est un peu mou comme nom. Mais donc, vous trouvez que ce n'est pas tout à fait le même débat, parce que les travaillistes avec Tony Blair, ils ont quand même pris un virage un peu plus centre. Pragmatique. Pragmatique, c'est ça, disons. C'est le mot. Et même, maintenant, on a le Corbyn, là. Oui. Jeremy Corbyn. Il aurait été frondeur, en fait. Le leader travailliste. Oui, c'est comme si on avait mis Mélenchon à. Peut-être des partis socialistes. Oui. Donc ça va très marrant. Ça va dépoter alors. C'est très drôle en effet. Il n'a aucune chance d'être élu. On est beaucoup trop pragmatique pour ça. Isabelle Sorande, vous avez une réaction peut-être sur ces termes Oui, oh bah oui, c'est vrai que ça reprend les un députés petit peu Marais, le côté Révolution française par opposition à la montagne, hein, qui étaient les plus virulents, comme on sait. Et c'est vrai que je crois qu'on a une espèce de nostalgie de cette époque. Aristocratique, oui. Il y a beaucoup de ça en France. Mm-hmm. Il y a une pièce de Jules Pomara en ce moment au Théâtre des Amandiers à Nanterre, non, où justement on traite la Révolution et toute l'Assemblée et le public. J'écoute la radio ce matin, je me suis dit il faut que j'aille quelque chose. Ça me donnera un truc à dire ce soir. J'allais dire ça, Jules Pomara. David Lowe qui est comédien, qui est scientifique, acteur, vous avez même fait des publicités. J'en ai fait plein. Air France, oui. L'Oréal. Oui, j'en ai fait pendant 10 ans, un par mois. Il y avait même une culture pub ce mois. Oui, c'est tout fait. On se demande ce que vous n'avez pas fait. Peut-être que vous n'avez pas encore fait d'actualisique. Parce que ça, c'est généralement. Vous avez déjà fait d'actualisique ou pas? Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un piège, non? C'est le moment de Thomas VDB. Vous allez pouvoir Attention. Le découvrir. Okay. Actualisique, c'est vraiment la bonne rubrique à se mettre sous la dent. Le vendredi, c'est magique. Longue vie à l'actualisique. Vous travaillez qu'à parolier, rassurez-moi. Je fais tout seul et sans bouger les oreilles. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter la mésaventure qui est arrivée récemment à un groupe de rock originaire de la Meuse. Alors déjà, un groupe de rock originaire de la Meuse, c'est un peu cocasse. Hein, vous allez voir que le côté farfelu de l'histoire va encore beaucoup plus loin. Puisque ce groupe, il existait depuis quelques années sous le doux nom de Isis Child. Aïe. Et récemment, je ne vous fais pas dire. Isis Child, c'était le nom de ce groupe de rock. Et récemment, après plusieurs années d'existence, ils ont été obligés donc de changer de nom. Parce qu'évidemment, quand on monte un groupe, les gars, ils n'avaient pas anticipé que des années plus tard, la traduction de leur nom deviendrait « Enfants de l'État islamique ». Alors le pire, c'est qu'avant ça, ça marchait plutôt pas mal pour ce groupe. Hein, Isis Child, dans leur région, ils faisaient un hard rock un peu sympathique, quelque part entre Scorpion et Toto, on va dire, rien de méchant. Et puis là, il faut imaginer, le guitariste du groupe, un jour, il est chez lui, il se lève, il se dit « Tiens, je vais taper le nom de mon groupe dans Google pour voir si ça parle de nous un peu sur les blogs musicaux ». Alors il tape Isis Child, et là, il tombe évidemment sur des photos d'enfants soldats en train de faire des exécutions. Donc il dit flûte, qu'est-ce qui se passe? Bad buzz. Alors, donc évidemment, il faut savoir, j'ai vu donc une interview de ce pauvre guitariste sur internet. Il est tout déballé. Surtout que, alors, faut savoir que l'argument qu'il a trouvé pour se défendre, c'est de dire, oui, mais on avait déposé le nom à la SACEM bien avant l'État islamique. Ah, mais oui, ça, c'est l'argument choc. Parce que, bien sûr, quand tu déposes un nom ou un titre à la SACEM, c'est pour te mettre à l'abri du vol éventuel, au cas où un autre groupe te volerait tes idées. Mais quand l'autre groupe qui te vole ton nom, c'est un groupe terroriste qui fait des vidéos où il décapite des gens, va convaincre la juriste de la SACEM de porter plainte. C'est pas évident. Ah, le gars, il appelle la SACEM, il dit, oui, Corinne, c'est Jean-Pierre de Isis Child. Vous appelez et téléphoné à Aboul Bakr al-Baghdadi, le responsable de l'État islamique, pour le dépôt de plainte. La meuf a dit c'est répondeur. Je tombe toujours sur répondeur. Je n'arrive pas à les avoir. Donc aujourd'hui, évidemment, le groupe Isis Child est obligé de repartir de zéro en changeant de nom. Il s'appelle Angels Whisper. Malheureusement, c'est pas non plus le premier groupe de musique à être obligé de changer de nom à cause d'une actualité qui les rattrape. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce groupe de funk créé au début des années 2000 qui s'appelait Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. les gars ne pouvaient pas se douter. Ils ne pouvaient pas se douter. Pareil pour ce groupe qui pensait avoir trouvé un nom et un concept de communication originaux en collant partout en France des affiches à leur effigie qui disaient « Ebola, ce soir dans votre ville !» Évidemment, ça, c'était un peu galère. Mais la palme de la pirouette professionnelle la plus audacieuse revient certainement à ce chanteur altermondialiste breton qui menait une carrière un peu trop paisible depuis les années 70 sous son vrai état civil, à savoir Jean Daech. Jean Daech, dont le tourneur s'est étonné de recevoir l'année dernière un appel pour la commande d'une performance à Islamabad. Eh bien, le chanteur a décidé de voir midi à sa porte et plutôt que de changer de nom, il s'est dit, bon, à la gauche c'est cliché, il a décidé de se convertir à l'état islamique. Ah voilà, il s'est dit, autant aller là où le public m'attend, ce sera pas le premier à se convertir à l'état islamique pour les mauvaises raisons. Eh bien, aujourd'hui, Jean Daech est une des pop stars du califat de l'état islamique. Il sortira d'ailleurs dès la semaine prochaine son album enregistré entièrement en public, Jean Daech, Live in Mossoul. Bien joué, Jean Daech. Tout est vrai, évidemment, oui, besoin de le préciser. Merci Thomas VDB. Oui, ça fait penser à Modem. Non, SIDA, il y avait Société Indépendante des Sanitaires Artistiques. Ça existait. J'ai regardé dans les pages jaunes à l'époque. Oui. C'est un problème. Les acronymes malheureux, c'est ça. La pub, évidemment. Oui, c'est vrai. Oui, c'était comme pour lutter contre la vache folle, l'étiquetage, c'était VF. Oui. Il vient de française, mais ça fait vache folle aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelques ratés comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Allez, on est ensemble avec David Lowe jusqu'à 18h. Il y avait un truc à faire. Non, pardon. C'est Camille et Yaël Naïm sur France Inter, la programmation musicale de Djoubaka. Merci d'avoir choisi France Inter. N'oubliez pas de retirer votre carte de fidélité à la sortie de cette émission. Au bout de 50 émissions, un bisou d'Alex Vizorek. Ah oui, c'est précieux. On est ensemble avec David Lowe, que vous pouvez retrouver ce soir sur France 5 à 20h40 dans On n'est pas que des cobayes, très bien, présenté par Agathe Le Caron. Et moi. Et bien sûr, et vous? Pourquoi cette fascination avec Agathe Lacarre? Je crois qu'elle écoute. Parce qu'elle est chef de bande. Et moi, j'aime bien les chefs de bande. Mais elle est co-présentatrice. Je présente avec elle. Et scientifique, c'est vous le cerveau. Oui. Oui, je suis le cerveau. Il faut valoriser le cerveau, je trouve. Non, c'est dans la famille. Mon grand-père qui est venu plusieurs fois pour sauver la France. Et je suis venu, pareil, pour sauver la France. Mais bien sûr. Oui, dans 10 ans, il y aura un tas de petits scientifiques qui vont sauver la France. C'est vrai. Vous avez des solutions pour le climat? Pour la COP21? Oui, j'ai une solution, mais c'est plutôt, je vois la petite Terre, tu sais, dans ce grand néant qui est l'univers. Mm-hmm. Et je trouve que tout est, c'est futile. Complètement futile. c'est une sorte d'égoïsme de la part de l'être humain en disant qu'il est important. Mais oui. Il est rien. Bon, donc on s'en fout. Alors, voilà. Vous voulez être présentateur météo sur France 2? Ça, c'est réglé. Comme ça, c'est réglé, David Lowe. À cette heure-ci, c'est le reportage Attention. De Guillaume Meurice, reportage Attention. Pointu, comme à chaque fois, vous êtes à la fois indigné, impliqué, le journalisme subjectif du moment Meurice. Tout ça à la fois. je voudrais débuter par une citation d'abord. Ah. Alors, je ne sais plus si elle est d'Arnaud Montebourg ou de Saint-Sinatus, parce que je ne sais plus qui est le co-auteur de l'autre. En tout cas, l'un des deux disait « C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. » Et la grande foire du Made in France a débuté ce matin même, porte de Versailles. J'y étais et je peux vous dire qu'il y avait pas mal de bouses. Mais attention, des bouses Made in France. Il y a même un label très sérieux qui s'appelle Origine France Garantie, qui contrôle la provenance des produits et leur mode de confection. Je suis donc allé voir un de ses porte-parole. Est-ce qu'il consomme français? Alors, je consomme français, oui, évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, est-ce que là, vous êtes habillé français, par exemple? Là, je ne suis pas, en l'occurrence, habillé français. Je suis en italien, donc c'est pas le bonjour. J'ai les costumes smuggler que vous pourrez aller voir là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas mis aujourd'hui, alors? Malheureusement, il est au pressing, je me suis pris un petit peu. Au pressing, en plus, un anglicisme. Ah oui, ça, oui, on a... Enfin, je connais pas le terme français pour ça, au lavomatique, ça fait aussi un peu anglais. Ouais, enfin, surtout, ça fait un peu con pour le mec qui est censé représenter le Made in France de s'habiller à l'étranger. Mais il y a pire, il y a des mecs qui fabriquent des chargeurs de téléphone portable en Provence. Du coup, ils avaient tous des t-shirts avec marqué Made in Provence. Mais des t-shirts fabriqués où? Ce t-shirt, je ne peux pas vous dire, il a été fabriqué. C'est marqué sur l'étiquette normalement. Peut-être. Je ne vais pas me déshabiller devant vous pour vous le montrer. Bangladesh. Voilà, Bangladesh, hein, qui est, je le rappelle, un petit village à l'extrême sud-est de la France, qui fait partie de la francophonie. Hein. Enfin, si on considère que Franck Ribéry et Mathieu Valbuena font partie de la francophonie, le Bangladesh aussi, il n'y a pas de raison. En revanche, l'expression « made in » ne sonne pas très très francophone, tout comme le nom de cette marque de tablette tactile française qui s'appelle... C'est la Swiftie Touch. C'est pas très français, ça? Faudrait demander à l'Académie française de nous faire des mots qui passent bien. Oui, on va faire ça, on va demander aux académiciens, comme s'ils avaient que ça à foutre, bien sûr. Hein? Oui, bon, ils ont que ça à foutre, d'accord. Oui, bon, c'est pas la question. Il y a 100 000 mots dans le vocabulaire français. Ribéry et Valbuena en inventent tous les jours. Ils auraient quand même pu trouver mieux. Heureusement, tous les produits proposés sur les stands étaient bien de chez nous, fabriqués en France avec des composants français. Enfin, ouais. Alors, les piles viennent soit de Belgique, soit d'Asie. Il y a un petit composant électronique qui s'appelle en fait une diode et qui vient, lui, des États-Unis. Et après, on a un autre petit composant électronique qui est en fait un prisme et qui vient de Corée. Voilà, oui, enfin, il y a plein de petits composants qui viennent des quatre coins du monde, mais l'étiquette « Made in France », par contre, elle vient de France. Enfin, le papier vient du Mozambique et la colle d'Argentine, mais elle a été confectionnée en France. Bon, par un graphiste qui habite aux États-Unis, mais c'est français, commencez pas à chercher la petite bête. On est là pour la France, notre pays qu'on aime, et on veut consommer des produits bien de chez nous. Et pas seulement, on veut aussi vendre des produits bien de chez nous. N'est-ce pas, monsieur le concepteur d'étuis de protection de cartes bancaires? Est-ce qu'il exporte? Pas assez à mon goût, mais on aimerait bien exporter plus. Ah, mais si tout le monde consomme ses propres produits, du coup, vous n'allez pas pouvoir exporter? Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui pour éduquer nos compatriotes, pour apprendre à protéger nos données personnelles aujourd'hui. D'accord, c'est pas ma question. Non, mais le protectionnisme n'est pas quelque chose qui va dans notre vocabulaire à nous. Au contraire, on est plutôt ouvert au partage et à l'échange. Oui, mais dans un sens, mais pas dans l'autre, du coup. Oui, si on veut. Oui, enfin, c'est pas moi qui veux, hein. Moi, j'ai rien contre les schizophrènes, hein. J'adore David Lowe. Et je suis conscient qu'il y a des choses qui s'exportent bien à l'étranger. Par exemple, nos champions dans des compétitions internationales. Et j'en ai rencontré un, habillé en bleu, blanc, rouge, un champion du monde, figurez-vous. Eh oui, champion du monde de quoi? Eh bien, en fait, je suis champion du monde d'équilibre sur place à vélo et donc je sors avec ma tenue tous les jours. Champion du monde d'équilibre sur place à vélo ? Voilà, je suis capable de rester en équilibre, de retirer mon casque, mon sac à dos, mon t-shirt. Mais alors ça, est-ce que c'est pas un peu le symbole français, l'immobilisme ? On peut le voir comme ça. Mais je pense que ouais, si on fait du sur place, parfois, faut le voir d'un bon œil parce que derrière, on peut aller beaucoup plus loin. Et oui, si on fait du sur place, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà une citation que n'auraient pas renié Cincinnatus ni Arnaud Montebourg. Merci champion. Voilà, vous en savez plus sur le marketing. Marketing made in France. Marketing, hein, d'ailleurs encore un anglicisme, qui, je vous le rappelle, en français, bien de chez nous, veut dire foutage de gueule. Et est-ce que c'est passionnant de regarder les championnats du monde d'équilibre sur place à vélo ? Est-ce que le public est en liesse ? Reste, bouge pas ! Parce qu'il m'a dit que l'année prochaine, ça avait lieu en France, ah bon, ouais. Donc j'ai pris rendez-vous. Oh oui, ça doit être un poil visuel, hein. C'est peut-être un sujet pour David Lowe, pour le bec des cobayes. Vous piquez nos mots, mais c'est pas notre faute. C'est comme si c'était la faute des Anglais que vous piquiez nos mots. Non, je ne vous ai pas accusé. De toute façon, la plupart de ces mots viennent de la France. Mais évidemment. Mais ils ont passé par l'Angleterre pour revenir ici, donc il faut les accueillir. Mais oui, mais il faut évoluer la langue. Mais oui, David Lowe avec nous, docteur en physique nucléaire et biologie moléculaire. Ah non, ça c'est une erreur mais aussi. Si, non, biologie moléculaire, on ne peut pas tout faire quand même. C'est pas ça. Un mensonge peut faire deux fois la tour du monde avant que la vérité a mis ses bottes. C'est un exemple. Parce que c'est un Donc ça, c'est une légende. Part. Oui, c'est inséré quelque part dans une biographie sur Internet. D'accord. Mais physique pas nucléaire, ça c'est bon. Ça c'est bon, oui. Ah, d'accord. Oui. Attendez, je barre. Attendez, prouvez-le pour la physique nucléaire. Dites-nous un truc incompréhensible. Oui, c'était je faisais une sorte de dosimètre ultra mince dans les zones de transition dans les champs de rayons mixtes. Ok, ça semble plausible. C'est bon. C'est ça. Oui, il a même inventé des trucs et tout. Hein. Et puis nos auditeurs, vous connaissez pas parce que vous avez participé au Fou du Roi. Oui, pendant 7 ans. Bah oui, quand même. Tout à fait. Les passionnés d'alligators vous connaissent parce que vous jouez avec eux. Allez, non, mais j'ai entendu, parce que juste en parlant de ça, séance. Oui, j'ai entendu Ségolène Royal ce matin à l'actualité. Elle a dit oxyde d'azote. Et elle disait le mot comme si c'était complètement étrange dans sa bouche. J'aimerais bien savoir si elle sait ce que c'est. Ah, mais on va. On lui demandera. J'ai prévu de l'inviter. C'est pas vous qui faites les sujets, hein. On a un Oui, non, ça, c'est pas le sujet. J'ai voulu un sujet sur Mein Kampf, d'ailleurs, mais vous l'avez pas fait cette ça, semaine. Ça, on n'a pas fait. Fait que ça tombe dans le même non, public. Non, mais j'en ai un qui est pas mal. J'avais toute une exposée. Est-ce qu'on est Charlie? Vous coupez le micro de David Lowe, vous laissez le mien ouvert. C'est moi la patronne ici. Le français compte un nouveau dialecte, le patois égalitaire, bientôt parlé dans tous les services publics, si on suit les recommandations d'un fascicule du Haut Conseil à l'égalité, car ce pays a un Haut Conseil à l'égalité. Alors ne dites plus entrepreneuriat féminin, ça c'est mal, mais entreprise créée par des femmes, ça c'est bien. Voilà un problème que ne connaissent pas les anglo-saxons, ou beaucoup moins du moins, grâce notamment à ce petit article. The. Yes, very good. The. Yes. The. Okay. The. Okay. The. The. Okay. Ok, that's ok. Il faut s'imaginer Jean-Pierre Bacry face à Alvaro dans Le Goût des Autres. 30,000 thespians frolicking through the thistles. Ça, c'est le niveau avancé. Oui, ça c'est... Dis-moi gros gargant grain d'orge, quand des gros gargant grain d'orge auras-tu ? The washing machine is out of order. Précisez que vous êtes sur France Inter. Un sujet de manière non surréaliste aujourd'hui. Oui, alors attendez, on va essayer. Donc, oui, je me demandais, David Lowe, cette obsession égalitaire de la France. Oui. Hein, donc, il y a des petits fascicules pour les fonctionnaires, pour ne pas dire, par exemple, Madame le directeur, mais Madame la directrice. C'est vrai qu'on peut féminiser les mots, alors pourquoi pas. On peut pas dire rencontrer des artisans, mais rencontrer des artisanes et artisans. Voilà, on a un petit fascicule pour dire ça. C'est encore l'héritage de la Révolution. J'avais la vessie pleine tout à l'heure et je suis allé aux toilettes. Mm-hmm. Et en effet, il y a l'homme, un être humain avec des pantalons, un être humain avec une jupe. Et déjà, je me suis dit, il faut le changer. Parce que un homme, je peux porter une jupe. Donc je peux aller. Oui, justement. C'est vrai. Oui, et une et femme puis les peut porter très des pantalons. Pantalon. Donc ça, c'est une sorte de. Oui. C'est pas racisme, non encore. Comment c'est vrai, il faudrait changer ça. On va appeler le Haut Conseil à l'égalité, moi je propose. Non ? C'est vrai, mais oui, oui. Il faut leur suggérer, mais bien sûr. Mais évidemment, oui. Bon, alors, est-ce que ça s'apparente un petit peu à une police du langage ? Faites attention à ce que vous dites, parce que la société française est une société un peu machiste, quand même. Et elle a quand même ce souci d'égalité. Il y avait deux pensées, en effet. Donc, il y avait la vessie pleine, mais l'autre, c'était j'étais au musée de l'homme. Et il y avait une sorte de moulure de sexe de l'homme et le sexe de femme à côté. Et on voyait qu'en effet, il y a la même origine là-dedans. Il y a un moment où le sexe de la femme est exactement pareil que le sexe de l'homme, mais ça pousse différemment. Donc, c'est fait avec la même patte. Mais et on peut pas nier qu'il y a une sorte de complémentarité entre les deux. Ça arrive. Oui. Moi, j'ai vu des images. Oui. Donc je. Faut vous appeler une moulure, c'est une moulure en fait, c'est ça. Ah oui, c'était. C'est comme les moules. Moulage. Vous êtes trop moulage. Contre la réédition de Mein Kampf. Parce que pour finir, on ne sait pas. Isabelle Sorrente, on vous écoute. Nous sommes tout oui. Oui, alors moi, je me suis posé la question sur le point commun entre un espace client, une tomate cocktail et une sex tape. Eh bien, c'est cette question part vraiment, vraiment bien. C'est une question existentielle, ça. Et le point commun, c'est la juxtaposition de deux noms sans préposition pour préciser ce qui les unit. C'est-à-dire, on va dire l'espace client, la tomate cocktail ou la cassette sexe, au lieu de dire l'espace du client, la tomate pour le cocktail, la cassette de sexe. Le deuxième nom joue le rôle d'adjectif, donc, pour préciser le premier, ce qu'on appelle un nom en apport de complémentation. Alors, est-ce que c'est seulement un anglicisme? On va arrêter d'accuser de tout la suprématie de la langue anglaise. Essayons plutôt de savoir ce que veut dire la disparition de la préposition, voire du tiré. Bref, que cache ce blanc entre deux noms collés l'un contre l'autre? Alors, dans le cas de la tomate cocktail, c'est très simple, elle finira mangée au bout d'une pique. Dans le cas de la sextape, la cassette sexe, ça se complique. La juxtaposition des deux noms cache un processus en boucle. La cassette donne envie de sexe parce qu'il y a du sexe dessus. C'est une cassette par le sexe et pour le sexe. L'absence de préposition cache une sorte de mouvement perpétuel que je ne détaillerai pas à l'antenne. Mais gardons l'idée du mouvement caché pour pénétrer maintenant dans l'espace client. Alors, même constat que pour la sextape, c'est un espace pour et par le client. Un espace pour vous, c'est ce que vous pourriez croire à première vue. En même temps, quiconque a déjà erré dans un espace client à la recherche d'une information qu'il n'a jamais trouvée, après avoir rempli une centaine de questions en ligne, c'est que c'est aussi un espace par le client. Bref, c'est vous qui donnez les informations nécessaires à votre satisfaction, la fameuse satisfaction client. Ah bah oui. Alors là aussi, au jeu de remplissez le blanc et trouver la préposition qui manque, on pourrait croire naïvement que la satisfaction client se limite à la satisfaction du client. Mais voilà qu'à peine vous utilisez un site, on vous envoie un questionnaire de satisfaction détaillé qui servira à vanter les mérites du service en question. Je suis très satisfaite, signé Michel Toulouse. Bref, le client se transforme en espace publicitaire. La satisfaction client, c'est aussi la satisfaction maximale par le client. Voilà le mouvement caché, la transaction dissimulée par l'absence de préposition, transaction au passage pour laquelle vous n'êtes bien sûr pas rémunéré. Alors maintenant, si le client n'est pas satisfait, ce qui peut arriver, il est prié de se référer à son numéro client. Et là, ambiguïté, parce que le numéro client désigne tantôt le numéro du client, ce fameux numéro à 13 chiffres en haut à gauche de votre facture, Charline, tantôt le numéro du service client, en général à 4 chiffres, appel non surtaxé la première minute, sauf surcoût imposé par certains opérateurs. Alors, le service client est-il, comme on pourrait s'y attendre, un service au client? Alors, faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous avez fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de faire le 3 pour revenir au menu, faites le 9. Alors, grâce au service client, parler à un être humain ou trouver une adresse postale pour envoyer un recommandé est à peu près aussi simple que de chercher l'issue d'un labyrinthe sans fil d'Ariane. En fait, l'espace pour et par le client nous renvoie à une formulation biblique. Par lui et pour lui. Le client n'est pas roi, il est Dieu, à la fois tout-puissant et martyr, qui se dévore lui-même dans le vide sidéral de son espace client, ce grand néant qu'est l'univers, comme vous disiez tout à l'heure, David. Merci. Enfin, quelqu'un qui parle. Et voilà, je vous comprends. Et finalement, le nom en apport de complémentation signale donc à la fois votre divinisation et votre exploitation radicale. Donc, avant d'être transformé en numéro ou de tourner une sextape, réclamez de savoir pour qui, par qui et avec qui. Bref, n'oubliez pas la préposition. Oh, merci Isabelle Sorrente. Oui. Elle nous a fait une thèse, Isabelle Sorrente. C'est oui. Un petit peu... Oui, c'est assez Wittgenstein, philosophie linguistique. Ça, oui, oui, avec j'adore une touche Wittgenstein, de... effectivement. Oui, et voilà, j'adore Wittgenstein, bien sûr. Oui, c'est vrai. Ce qui m'inquiète, c'est tape. Venez, on parle foot et sex tape. Non, c'est le côté tape, parce qu'on imagine Val Buen en train de mettre une VHS dans alors sa machine. Alors que ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus. Je voulais le dire, mais je n'avais pas le temps. Oui, c'est ça. Donnez-nous le temps. Parce que j'en ai fait 8 minutes et puis t'as pas le temps. Non, comble, oui, je rêve. Allez, hop, sujet 3, hop, hop, hop, hop. Cette affaire de sextape de Valbuena, hein, voilà, prend des proportions qui nous ont poussé à nous y intéresser un petit peu quand même, hein, finalement. Il en va de l'équipe de France, hein, bon sang de bonsoir, les Bleus, champions du monde, pour se tirer une balle dans le pied, surtout. Ça n'a pas été trop dur. Nouvelle technique, on passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. C'est nouveau. Et c'est répandu, ça, comme technique? Ah non, ça c'est que nous. Parce qu'il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Ah non, là-dessus, on a une avance considérable. Voilà, un extrait de Kaamelott qu'on pourrait attribuer à... C'est la conférence de presse de Didier Deschamps. Didier Deschamps, attention. Ah oui, je les confonds. Écoutez, vous, ça c'est un dossier, je vais vous laisser vous faire. Vous ne travaillez c'est... pas les sujets, ça va. Mais... ça, on a un sujet pointu et c'est le cas de le dire. Mais voilà, comment un sujet pointu, je pense que je vais vous le laisser. Alors, notre invité est né à Liverpool. Est-ce que vous vous intéressez un petit peu au football? C'est entre Liverpool et Manchester, c'est plutôt Warrington. Ah, Warrington. Oui. Liverpool, c'est le. Non, je ne devrais pas dire ça. Ça, c'est la légende urbaine aussi. Hein. C'est comme le coup de. On disait que Liverpool, c'est le trou de cul de l'Angleterre et Warrington, c'est enfoncé 10 km dedans. Petite anecdote. D'accord, très bien. Donc, de quel œil vous voyez les Bleus? Parce qu'ils n'ont que des ennuis quand même. L'équipe de France est quand même l'équipe des pieds nickelés, non? Il se passe tout le temps un truc, ils descendent pas du bus. Ils sont en finale, il y en a un qui met un coup de boule à l'équipe adverse. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu parles rugby ou parles? Non, je parle. Oui, je mais c'est la même chose en effet. Oui. Ce qui est merveilleux en effet, parce qu'on voit tous ces traits nationaux dans l'équipe qui sort, comme si on était forcé de se comporter comme un Français quand on joue pour la France. Mm-hmm, oui. Parce que je suis sûr qu'ils sont tout à fait normaux et cosmopolites quand ils sont chez eux. Mais dès qu'ils portent le maillot bleu, jaune. Oui, normalement, ils doivent être exemplaires. C'est un exemple pour la jeunesse. Et pourquoi? Pourquoi il faut être un exemple? Moi j'ai quatre enfants. J'ai pas d'exemple pour la jeunesse. Non, il n'y a pas de sextape. Mais sextape, ça m'inquiète en effet. Ouais. Parce que tape, c'est comme un smartphone. Parce que si un smartphone ne fait pas des photos, donc si un téléphone ne fait pas des photos, Ça va plus. C'est stupide, c'est un stupide phone. Oui. J'ai une question par rapport à la presse, justement, qui aujourd'hui en fait des caisses en France et on est surpris. Même la presse, les Libérations parisiens, ils font des articles complets. Oui. En Angleterre, vous êtes quand même super habitué à des problèmes entre les femmes, les joueurs de foot. Le Sun en fait des couvertures. Giroud a eu plus de problèmes là-bas parce qu'on l'avait retrouvé avec une demoiselle de légère mœurs, je ne sais pas comment dire. Et en Angleterre, ça ne vous surprendrait pas un truc comme ça? Ah non, mais je crois que les journalistes parlent des choses. Ici, on a tendance à garder un scoop pour milieu de fermer des journalistes. En Angleterre, on aurait diffusé la sextape. Ah oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. On m'a dit que c'était avec sa femme, non? J'aimerais bien. Est-ce qu'il utilise un langage de football pendant l'acte? Je ne sais pas, parce que cette sextape, est-ce qu'on était sûr qu'elle existait pendant finalement ces derniers jours? On n'était pas sûr que ça existait vraiment. Si, c'est Valbuena qui l'aurait envoyé à un ami, genre, mais regarde comme. Non, comme mais maintenant que c'est devant la justice, oui, mais avant. Si, puisqu'il y a chantage, donc c'est qu'il était vraiment dans une position délicate. Mais tu peux faire du chantage et du bluff en même temps. Mais lui-même savait qu'elle existait, puisque c'est lui qui l'avait envoyé à un ami, d'abord. C'est ça qui m'avait échappé dans le dossier. Il est le réalisateur et l'acteur principal. Et le producteur. En même temps, il y a une sorte d'humilité. Il y a une sorte d'humilité de la part de Benzema, parce qu'il garde ses copains de jeunesse. Il voulait aider ses copains pour faire un peu d'argent. C'est ça. Bah ouais. Voilà, de toute façon, c'est la morale et le foot. En tout cas, la justice a interdit à tous les protagonistes présumés de se rencontrer, ce qui va être très très pratique pour l'entraînement. C'est bête, il va être chouette soirée ce soir. Ouais. David Lowe, à cette heure-ci, c'est un moment très attendu par tout le monde. C'est le moment de Frédéric Fromet, qui maintenant est un chanteur à succès, puisque dans les bacs, vous trouverez Ça Fromet, son disque. Oh, bonjour Frédéric Fromet, vous viendrez encore nous voir malgré ce succès? Bien sûr. Ah, ça va. Qu'est-ce que un vous allez nous chanter? Un disque de Frédéric Fromet. Ouais, et il y a aussi Lara Fabian qui sort un disque. Ouais, d'accord, très bien. Choisis. Alors moi, ce soir, je voudrais vous vanter les vertus du séjour chez l'habitant. François aime les lucettes à Nancy. Pour lucettes à Nancy, François apporte le kawa. Voilà BFM TV dénonçant le stratagème. Et ouais, c'est bien connu sur cette chaîne, on ne fait pas de mise en scène. Aurait-il fallu que François se pointe à chez Lulu? Comme ça, Lulu surprise en string panthère et son dentier dans un verre. François aime les lucettes sans bigoudi. c'est bien gentil la proximité. Avec une vieille, c'est moins vrai. Quelqu'un est passé avant pour tout nettoyer. En clamant, mon adversaire, c'est la négligence. Le rangement, c'est maintenant. Lucette a trouvé François, charmant sa nommée. Donne pas, je connais des mémés qui se caressent en regardant Julien le Perse. François aime les Lucettes, mais il préfère les Julies. Car les Lucettes sont un peu craignos, il faut apporter ses thermos. François n'est pas très fut-fut, fallait demander à Bismuth comment se rendre chez une vieille dame, lui qui connaît bien Liliane. Surtout pas de caméra, voyez donc le cas Valbuena. Imaginez François et Lucette dans une affaire de sextape. François aime les Lucettes, dont Brochet est le nom. Au moins François n'a pas déclaré à Brochet, casse-toi pauvre ton. Frédéric Froimel, featuring Serge Gainsbourg. Merci Frédéric. Et oui, et donc merci. Le disque de Frédéric Fromet est disponible. Oui, c'est un événement international en partenariat avec France Inter, me semble-t-il. Exactement. Me trompe-je? Non. Ouais, merci. Voilà. David Lowe, on peut voir donc ce soir sur France 5 votre émission On n'est pas que des cobayes. Présentée par Agathe Le Caron. On aime beaucoup en Belgique parce qu'elle a beaucoup présenté chez nous. Ah, elle est belge? Mais non, elle est beaucoup présentée en Belgique. Ah, d'accord, ok, moi, je comprends plus rien, moi. Bon, non, mais qu'est-ce qui mettez-nous l'eau à la bouche, qu'est-ce qu'on peut voir ce soir, par exemple? Non, je peux dire quelque chose? Ah bah parce oui, qu'en effet, ce matin, on était en train de tourner avec les alligators Biotropica dans Val-de-Reuil. Oui. Et là, donc, l'actualité pour lui, c'était le fait qu'il y a un dragon de Komodo qui a été volé. Et je vois que c'est sur le papier que vous m'avez donné, là, en bref, mais c'est mis... C'est en bref. Ah oui, donc c'est de l'actualité de Komodo, aussi chez vous. L'une des plus grandes espèces vivantes de lézard au monde a été dérobée dans la nuit de mercredi à jeudi à la ferme au crocodile Perlate dans le Drôme. C'est le mot de la fin. Ça, c'était la une pour émission. Le Biotropica. Mais oui, voilà. Okay. Merci David Lowe. On peut vous voir donc ce soir. On n'est pas que des cobayes. France 5 à 20h40 et on vous le recommande chaudement. Et on va laisser le mot de la fin à Valbuena. L'autre jour, j'ai rematé ma sextape. Comment c'était chiant. Je suis sûr que ça aurait été avec Sandrine Bonner, j'aurais eu un César.